toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Avec comme nous, qui qu'a rêvé qu'on innocent. Sous la terre, qui pas caresse.